I'm Pain. Pain. Pain. It's Pain. Alive! Sinistros et moi frappons parfois très fort sur le clou. Il faut dire que je frappe aussi fort Sinistros, mais ça c'est une autre histoire. Il nous arrive de sortir carrément des sentiers dits battus lors de nos présentations. Je fais précisément référence ici au segment de Mechanical Surgery, qui se veut une exploration de la musique dite industrielle, EBM et Darkwave. Ceci dit, nous comprenons parfaitement que ce genre très hermétique pourrait être rebutant pour certains auditeurs. Et c'est pour cela que nous avons pris la décision de vous épargner cette séquence qui semble possiblement irritante. Nous vous présenterons donc à la place ce soir le segment de Mechanical Surgery, mais 2.0. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin et son assistant qui n'en ont pas grand-chose à faire de vos petits désagréments et qui vous disent lors d'une consultation « Ah oui, vous avez très mal. Eh bien, nous, on ne sent rien du tout. » Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cause fear is our fucking business. We are undead incorporated because we said so. Well, je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation. En ce 16 avril de l'an de disgrâce 2019, je suis le Dr. Pain Pendragon. Je suis encore pour vous ce soir, en compagnie de Sinistros. Bien le bonsoir. Bonsoir, nous vous accompagnerons métalliquement jusqu'à 21h. Comment vas-tu? C'est pas de tes affaires. Je vais commencer à sévir par certaines politesses. Voilà, de ce pas. Bon, je vais faire l'émission seul, finalement. Ben, je t'habitue. Un peu comme la semaine passée. T'es jamais là. Ben oui, c'est ça, je suis jamais là. C'est toi qui t'es arrangé pour avoir des tempêtes de neige épouvantables pour que, je puisse m'en venir. Ouais, Sinistro, je te dirais, en temps normal, ça va être au début de l'hiver, probablement. À la fin de l'hiver comme ça, no way. Non, j'en veux plus de ça. Ok, t'es passé maso pour ça. Non. D'accord. Non. J'en ai amplement... Ben là, ça s'en vient quand même bien, à part l'espèce de fichu de bande de neige qui reste à côté de nous, là. Ouais, il en reste un peu partout, là. Vois-tu, on est quand même pas si mal, parce que hier, dans certaines parties du Québec, ils ont eu 37 cm. Oui, mais pas nous. Oui, donc on n'est pas si mal, finalement. Ce soir, eh bien, comme je l'ai dit, il n'y a pas de présentation. Oui, il y a une présentation de nouveauté, effectivement, en Ultimus. Belle formation. C'est un All-Star Band, ça. Avec David Vincent, Ron Erickson, ainsi que Flo Mounier. Ça va être plus tard dans l'émission. Vraiment très bon. Mais c'est la présentation du Mechanical Surgery. Nous sommes le troisième mardi du mois. Et comme je l'ai dit en présentation, on l'a adapté pour faire un peu moins peur aux auditeurs qui sont... Ou faire plus peur encore. Ben, si ça fait plus peur, là, c'est parce que vraiment, c'est des... bon, c'est ça. On s'est adapté un petit peu pour être peut-être un peu plus dans un cadre métallique d'une certaine façon. Mm-hmm. Mais rien qui dit, par contre, que ça ne touche pas l'industriel. C'est cela. Voilà. En l'instant, comme premier bloc d'ouverture, nous avons eu de Stockholm en Suède, Necrophobic et la pièce Revelation 666 qui est tirée de leur sixième album, Death to Hall, qui est paru le 29 mai 2009 sur Regain Records. Ça me fait penser... Ça fait déjà 10 ans, hein, finalement. Tes leçons d'arithmétique ont porté fruit. Travailles-tu encore avec tes réglettes pour ça? Non. Pas sur tes doigts? Oui. Donc. J'ai comme évolué, j'ai lâché les réglettes, tombé sur mes doigts. Il compte sur ses doigts. Ouais, mais moi, j'ai 20 doigts, fait que je ferais. Okay, je pensais que tu m'aurais dit 2 fois 10 égale 11 avec les mains dans tes poches. 1, 2, t'as fait 9. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, c'est ça. Ah oui, ok, bon. On n'est pas à la télé ici, là. Hein? Non, t'as raison. Oui. Moi, ne me voyez pas. J'espère que non. Ça serait bon. Il faut qu'on garde nos auditeurs, minimalement, notre auditeur. Bonjour, Dominique. En parlant de Suède, Necrophobic, je te félicite cette semaine, t'as pas mis de titre imprononçable. Ben non, moi, je te l'avais dit dans mon courriel, je me suis forcé. Pour pas que tu sois obligé de demander à Horace qui prononce tes choses à ta place. Il est polyglotte, qu'est-ce que je te dis. Juste avant Necrophobic, nous avions d'Angleterre, maintenant, anciennement destiné en Australie, Destroyer 666 et Treadore. La pièce d'ouverture de cet extraordinaire album Wildfire, leur cinquième, paru le 26 février 2016 sur Season of Mist. Ouais, c'est un très bon album, ça. Ah, moi, j'adore cet album-là. Il y a eu un EP depuis, qui était correct, mais celui-là, là, ouf, c'est dur à battre. Et encore une fois, de Suède, Gothenburg, Vampire en ouverture et Knights of the Burning Creep. Pièce d'ouverture également de cet album with Primeval Force, qui était leur deuxième, paru le 21 avril 2017 sur Century Media. L'année passée, il avait fait office cet album-là de un ranking dans mes top 10, si vous préférez. C'est très, très, très, très bon. J'ai écouté l'ensemble de leur œuvre, qui est quand même pas très étendue, mais c'est vraiment tous très de très bons albums. On va aller en pause publicitaire, Sinistros, avant que tu nous présentes ta première concoction de la soirée qui pourrait probablement nous achever, d'après ce que je peux voir. Bien évidemment. Bon, ben, on se revoit tout à l'heure. Debout les hiboux, c'est quoi ça? C'est pour les oiseaux de nuit qui se couchent tard mais qui se lèvent tôt pour le travail. C'est ton émission du matin avec Marc Gagné et ses acolytes. Évidemment, on va brasser ta cage le plus possible en chroniques culturelles et sportives, actualités, arts, musique et événements. Debout les hiboux, un show assez fou, mais jusqu'à point pour te réveiller du bon pied. Du mardi au jeudi, de 7h30 à 9h30, à la Radio Campus, c'est fou, 89h. Debout les hiboux est une présentation de Slam Disc, fier commanditaire de cette émission. La machine à remonter le tympan vous propose un voyage aux sources de la musique populaire tous les jeudis de 17h à 19h. Venez donc y prendre votre dose hebdomadaire de jazz et de roots. Festival d'art et de musique Frida 2019 déploiera du 3 au 5 mai prochain toute son audace et sa diversité artistique. Activités gratuites, découvertes et surprises garanties. Au programme, projections cinématographiques, spectacles musicaux, arts visuels, foires au vinyle, conférences et brunchs vegan musicaux. Pour les spectacles musicaux du samedi, achetez vos billets en pré-vente au coût de 20$ sur lepointdevente.com. Pour plus de détails sur la programmation, consultez le site internet et la page Facebook de l'événement. On vous attend en grand nombre. Manquez pas ça. Les Aigles de Trois-Rivières et CFO 89.1 s'associent à nouveau cette saison. Tous les matchs à domicile de saison régulière ainsi que tous les matchs de séries éliminatoires seront diffusés à notre antenne. L'équipe de diffusion vous promet toute une saison. C'est le temps d'écouter Les Aigles. CFO 89.1, radio diffuseur officiel des Aigles de Trois-Rivières. C'est le 89.1. Vous êtes à l'écoute de réanimation des Undead Incorporated Show en compagnie de Sinistros et de moi-même, votre charmant... Attention, les docteurs. Menteur aussi. Pas beaucoup. figurez-vous donc. Ben, figurez-vous la donc. La ville de Montréal. Moi, qu'est-ce qu'elle a? Montréal, ça existe, Montréal. Oui, oui, semble-t-il que c'est vrai. Oui, ça, c'est semble-t-il que c'est même une planète. Apparemment, oui. La planète Montréal, ben, l'hôtel de ville, le conseil de ville a voté une motion hier pour faire de Montréal la ville métal par excellence. Au même titre que le jazz et le classique. Ah, donc, oui. Le métal est maintenant reconnu. Montréal est maintenant reconnu comme étant une ville métal mondialement. Ah oui! C'est petit, hein? Ben, puis c'est même très faire, surprenant. Ils ont même fait jouer du Necrotic Mutation dans l'hôtel de ville. Ah, ouais, ils sont pas c'est vraiment excellent. Mortes. C'est pété. C'est cool. Ah, ben, j'aurais pensé qu'ils seraient peut-être allés avec une pièce un peu plus légère, là, parce que peut-être que le concept de métal pour chacun est différent. Ben, on sait que le métal extrême au Québec, c'est ce qui fait la force métallique ouais, au Québec. C'est vrai. Fait que tant qu'à y aller, ben, on va mettre du vrai extrême. Ah, on va ben, mettre Necrotic Mutation. Ben, je suis très surpris, ben, c'est l'histoire. Mais c'est bien, c'est correct. Oh, oui, je trouve ça fort ça correct. Ça va peut-être, tu sais. Ils vont parler dans le journal de Montréal. Fait que là, peut-être bien que monsieur et madame tout le monde vont peut-être penser que le métal, finalement, c'est pas si pire que ça. Ben, ils vont peut-être dédiaboliser la musique, là. Peut-être. T'sais, ils vont peut-être dire, ben là, si ça a passé à l'hôtel de ville de Montréal, c'est une gang de fous, Montréal! Ouais, ça se pourrait. Non, mais, ben, tu sais, c'est ça, c'est... On va aller faire une manifestation anti-métal à Montréal. Ouais, ben, tous les prétextes sont bons pour manifester. Oui, hein? oui. Celui-là, probablement, autant qu'un autre. Est-ce que mais... c'est laïque, ça, le métal, là? Je pense que oui, ouais. On peut se mettre ça dans le débat de la laïcité. Attends un petit peu. Non, c'est vrai que c'est un peu très religieux des fois. Hein? Ça, ben oui, c'est très dark religious. Il y a des signes ostentatoires dans le métal. OK, on délire, là. Non, mais il reste que c'est, quelque part, l'image du métal n'est pas dissociée de toute religion. Non, c'est vrai. C'est vrai. Ben oui. Effectivement. Mais c'est quand même une bonne nouvelle, ça, pour Montréal. C'est une Montréal. Très, très bonne nouvelle. Je suppose que pour le métal aussi. Ben oui, ensemble. Bon, remarque que... Qu'est-ce que ça va changer en bout de ligne? Absolument pas, rien, là. Mais c'est juste le fun de te savoir. Oui, c'est sûr. Oh, ouais. Bon, Montréal, c'est quand même une métropole mondiale. Là. Oui, effectivement. Bon, ben moi, j'ai choisi... Ouais, c'est quoi ça, ces niaiseries-là? Là? J'ai choisi un bon petit bloc très, très progressif. Hey, là, tu vas m'expliquer quelque chose, toi. Oui. C'est quoi ça, ton troisième choix? Ben là, tu connais pas ça. Oui, je connais ça. C'est pour ça que je te pose la question. Ben oui, mais moi, je vais aller progressif. Ça dérangerait-tu qu'on le passe pas, lui? Ben non, on va le passer pareil. Je vais expliquer pourquoi. Parce que ça va aller avec mon autre bloc plus loin. Là. Ouais. Je fais des bouts de stylo, ça revole partout. Là. Bon, il a encore fait des dégâts. Ah, il a trouvé un spring. Bon, c'est ça la beauté du direct. Et oui, hein? Bon, j'ai été avec un bloc plus progressif. Puis le dernier choix de ce bloc progressif-là il va s'imbriquer avec mon dernier bloc qu'on va passer à la fin. Mais on se rappellera plus de ce qui s'est passé avant. C'est pas grave, je vais vous le réexpliquer. OK. J'y étais avec Devin Townsend. Devin Townsend. Ah, ben déjà là, c'est pas si mal. Déjà là, c'est très, très bien. Sur un album qui s'appelait Ocean Machine Biomech, une pièce qui s'appelle Seventh Wave. Ben, son premier sous son nom. Ben, sous son nom, oui, effectivement. Un album qui a plu à moi-même, à DJ Tower et ainsi que le Rockmaster, Flesh Killer. Oui, oui, vous avez ça en commun, certainement. Avec l'album Awaken. Puis j'ai choisi, ça je sais que Tower aime bien ça, mais je sais que le Rockmaster aime pas ça pantoute. Ben, en tout cas, là-dessus, le Rockmaster et moi, on a ça en commun. Je pense que oui. Between the Buried Enemy. Bon, là, écoute, je suppose que ton choix est justifié quelque part, oui. Mais à prime abord, il n'a pas l'air évident. Ben non, c'est pas évident. C'est sûr que c'est très progressif, mais il y a beaucoup de core là-dedans, comme on peut dire. Pourquoi j'ai choisi ça? Écoutez bien ça. Quelques personnes bien attentionnées m'ont dit Sinistros. C'est plate. Oui, je sais. Mon cher Sinistros. Il n'y a pas personne qui te parle, pourquoi, toi. Pourquoi ne mets-tu pas du metalcore et du deathcore à réanimation? Qui t'a posé cette question-là? Je le dirai pas. Mais je vais le savoir. Je le dirai pas quand même. Fait que j'ai répondu par la bouche de mon seul canon. J'ai dit, ben, on se doute lequel. Effectivement, on ne traite pas là-dessus bien bien, mais je pourrais quand même vous faire peut-être plaisir en mettant des trucs que je peux quand même apprécier un petit peu. Ouais. Fait que j'ai choisi de mettre Between the Buried Enemy. OK. Parce que en frais de musicianship... Et non, pas shit. Non, musicianship. D'accord. C'est quand même très, très bien fait. C'est très progressif. Puis il y a beaucoup de passes un peu capotées là-dedans. C'est assez flyé. Moi, j'aime bien cette bande-là. Fait que j'ai décidé d'en passer. Bon. Fait que ça, c'est la partie 1 du pourquoi qu'on passe pas du metalcore et du hardcore. Parce que Pendragon, il aime pas ça. Définitivement ouais, pas. Non, mais, je dois, à ma défense, dire que il y a du hardcore que j'aime, mais oui. Le hardcore old school. Old school, effectivement. Ouais. Maintenant, pourquoi on ne passe pas du core? Et appelons ça du core. Ben, ça, le core. T'sais, dans le fond, c'est parce que maintenant, le core s'est rendu du core agricole, du core jazz, c'est du core progressif, dead speed, trash, dead fantaisiste, ballet jazz core. Là, ça n'a plus d'allure. Là, le pourquoi qu'on n'en passe pas? Parce qu'on trouve que le metalcore, comme il est devenu, tantôt, je vais passer un bloc de vrai metalcore, comme dire, au début des années 2000. Ouais. C'est les débuts du metalcore, quand que c'était vraiment intéressant. Ouais. Ben, ouais. C'est devenu comme une mode. Ben c'est oui. Devenu très commercial. Très trendy. Le deathcore, c'est pareil. Fait que c'est pour ça qu'on n'en passe pas. Au même titre qu'on passe pas de Céline Dion, ou qu'on passe pas de trucs du genre. Non. On passe pas de Slipknot non plus, et on passe pas de Papa Roach non plus pour les mêmes raisons. Mais moi, ce que je déteste en plus de cette musique-là, ben, musicalement parlant, ça vient pas me chercher du tout, mais c'est que c'est devenu plus une mode fashion. C'est pas ça que je veux dire. C'est devenu plus une mode vestimentaire au-delà de l'importance de la musique. Oui, c'est ça, c'est fashion. C'est parce fashion. Que fashion, mode, ça peut être plein de différentes choses. Fashion, là. Vestimentaire. Ouais, mais c'est parce que c'est principalement rattaché à un look. Ouais. Alors que souvent, ces gens-là pourraient même pas te nommer le nom d'un band, tu sais. Fait que je trouve ça épouvantablement framé, stagé, puis synthétique à l'os. On va se faire pitcher des roches. Hein? J'en ai rien à foutre. D'accord. J'en ai absolument rien à foutre. Même que je les inviterais à venir me voir me le dire ce qu'ils en pensent. Non, ils peuvent pas faire ça. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit, c'est vrai. Non. Mais c'est pas grave. Toujours est-il que Between and the Buried and Me, ben, tu vas en passer ce soir. Oui, je vais en passer ce soir. Profitez-en parce que ça n'arrivera pas souvent. Bon, peut-être que tu auras d'autres écartades. Peut-être je que te oui. Connais. Peut-être que oui. Allons écouter ça. Go! Ouf. OK, go. Oh, Earth, what changes hast thou seen? There where the long street roars hath been the stillness of the central sea. The hills are shadows, and they flow from form to form, and nothing stands. Like clouds, they shape themselves and go. Ils nous finissent ça avec du didgeridoo. Oui. Ça coupe carré un petit peu. Bon. C'était pas si pire que ça, quand même. Ben, je me suis pas bouché les oreilles. Ben, c'est quand même... C'est déjà bien. C'est quand même bien. Non, c'était... Ben, écoute, je connais pas l'ensemble de cet album-là, honnêtement, là. Mais celle-là, c'était écoutable. Oh, c'est correct. Bon, je te pardonne. Ah, oh, merci. T'es trop gentil. C'est vrai, t'as raison, je suis trop gentil, je te pardonne plus. Alors, c'est un bloc tout en progression et en musique progressive. Ben oui, Sinistro, c'est lâché lousse dans la haute culture. Je me lâche toujours lousse avec la culture avec un grand K. Ah, ben, mon grand désarroi, oui. Oui, bien, ben, c'est mieux que la culture avec un grand Q. Quoi qu'il y en ait, il y en a beaucoup de ça. Peut-être que oui. Nous avons eu les Américains de Between the Buried and Me avec la pièce Informal Gluttony. C'est paru sur l'album Colors, qui est paru le 18 septembre 2007 sur Victory Records. Mm-hmm. Tout juste avant de la Norvège, Flesh Killer avec Parallel Kingdom, qui est tiré de l'album Awaken. C'est paru le 15 septembre 2017. Ah bien, 10 ans qui séparent ces deux albums. Oui, leur premier de Flesh Killer, d'ailleurs. C'est paru sur Indie Recordings et Devin Townsend de Vancouver, BC, surtout au Canada, pour ceux qui le savent pas encore. Ah oui, vraiment? Avec la pièce Seventh Wave. C'est la pièce d'ouverture de Ocean Machine Biomech qui est parue 10 ans avant. Oui. Même 20 ans avant. Effectivement, son premier également. Oui, en 1997, sur son propre label, ben Heavy oui. Devi Music. Ben oui, absolument. Absolument, Sinistros. Ben, moi, tu vois, Devin Townsend, comme je te disais tout à l'heure, hors honte, je l'ai vu une fois en spectacle en première partie de Gojira. J'avais trouvé que le spectacle était vraiment très, très bon et que ce gars-là, il débordait la joie. Oh, là, oh. Très comme un poisson dans l'eau. Là. Il était dans une phase de bonne humeur. Il était dans une phase, oui, probablement. Bon, c'est un bipolaire, là, semblait-il. Mais il devait être dans une très bonne phase où il était simplement régularisé, mais il avait donné un show extraordinaire puis il était vraiment heureux, là, comme ça se peut pas. Puis cette pièce-là, Seventh Wave, c'est vrai, c'est une bonne pièce. Oh, très bon. Ouais, le riff est très bon. On va aller en pause publicitaire, Sinistros, avant d'arriver à notre couperet. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, bien sûr. D'accord. Les amateurs de métal sont conviés au rendez-vous de Subversion, le Metal Show, tous les deux vendredis du mois, 22h. Moi-même, DJ Tower of Death me donne le mandat d'honorer 5 décennies de musique pour des subversives, des fondations du métal traditionnel jusqu'à sa forme de plus extrême. Sur Sifo 89.1 du côté gauche, la bande est tellement mort ici. Jusqu'au 23 avril, les Rôtisseries Fusées vous offrent ces différentes variétés de wrap pour seulement 8,75$. Oui, un généreux wrap au poulet filoché, filet ou bœuf chipotelé pour seulement 8,75$ incluant le breuvage. Rôtisseries Fusées, toujours généreusement savoureux. Nouveauté chez Slam Disc, Octoplot. Écoutez le deuxième album d'Octoplot, le démon normal d'Octoplot. Octoplot, c'est tout niveau, il y a des émotions puis des passes élevées. Octoplot, disponible maintenant partout. Édition vinyle rouge, en magasin et en ligne. J'aime bien ça, moi, Octoplot. Fou de palmarès. 89.1. Et pour certains d'entre vous, vous étiez à l'écoute de Réanimation. Ben quoi, ça se pourrait, hein? Mais ça se peut. Non, mais, tu sais, on fait des gros efforts quand même, là. Mais moi, je me dis que on peut pas toujours se mettre au deuxième rang, au deuxième plan. Faut que nos goûts priment aussi. Ben, si on met des trucs qu'on n'aime pas... C'est quoi notre raison d'être? Ça va être plate. Ben oui. Fait que c'est pour ça qu'on vous met encore Mechanical Surgery. Ben oui. Mais c'est le 2.0. Mais on a quand même écouté certaines recommandations de nos chers auditeurs. Oui. En fait, on avait 3 recommandations de 3 auditeurs. Et ce qui totalise les 3 auditeurs qu'on a. C'est ça. Oui. En fait, on aurait pu laisser faire parce que 3, c'est pas important. Ben, 3, c'est quand même 3. C'est 100% de nos auditeurs. Oui, c'est 100% de nos auditeurs, mais ça fait juste 3 à perdre. C'est ça. Ben, tu sais, on pourrait tomber à 0%, remarque, mais ouais. Peut-être que si on tombe à 0%, on pourra mettre ce qu'on veut. Ben, voilà. Donc, ben, écoute, sais-tu quoi? On va garder nos 100% d'auditeurs. Voilà. Mechanical Surgery, qui est l'avant-dernière présentation avant la pause estivale de réanimation, parce que comme depuis les 4 dernières années, cette année réanimation aura sa dernière diffusion, disons le printanière, le 21 mai prochain, pour céder la place à la mise en onde des parties de baseball des Aigles de Trois-Rivières. Et ce, jusque minimalement en septembre. Bon, mais... D'ici là, on va encore avoir amplement le temps de vous passer des choses qui vont vous faire probablement très mal. Et espérons que ce sera le cas ce soir avec ce nouveau segment du Mechanical Surgery que je vais ouvrir avec trois de mes choix qui sont respectivement... Plate et plate. Et replate, voilà. Avec la formation d'Oxford en Angleterre, Play Dead, une formation qui a vu le jour... en 1982, je crois, pour mettre un terme à ses activités en 86, très courte existence, mais avec des choses relativement et parfois même très intéressantes. Mais ils ont bien des vieilles affaires. Oui, c'est vrai, t'as raison. Play Dead peuvent bien s'appeler Play Dead. 1984. Attendons un peu, toi. C'est pas toi qui avais mis une affaire de 82 la dernière fois. Je pense que oui. On va poursuivre avec Killing Joke de Notting Hill en Angleterre avec une excellente pièce qui est tirée de leur... D'un excellent band, d'un excellent album. Ouais, 9e album Pandemonium. On va terminer avec un groupe de Finlande et des Finnois, c'est même qu'on appelle ça? Oui, c'est pas des Chinois, des Finnois. Du pâté finnois. Du pâté finnois. C'est ce qu'a tes cheveux sur le bout de la langue? C'est ça. Terminal Catalot, une formation qui... Pas ça, pas non, c'est une formation qui, je te dirais, c'est mélange très électro-métal avec une pièce qui est tirée de leur 3e album, Hoosh. Allons-y de ce pas. Mechanical Surgery. Et pour certains d'entre vous, ben, la semaine prochaine. Yeah. said you wanted to do flips. I saw the barbed hooks penetrate deep into the side of his flesh. Bon, on est désolé, j'étais en train de faire une leçon à Sinistros au niveau de la socket. Puis avoue que t'entends pas mal mieux que tes lunettes, hein? Ben, c'est évident. C'est évident. Par contre, je te sens moins bien. Ça, c'est clair, c'est ça, clair. Ça, c'est bien. Oui, c'est, ben, c'est parfait. Oui, effectivement. Faut que ça serve à quelque chose. Ben, la peste, là, on s'entend que... Hein, c'est pas ménène, ça, là, là. Ben, mais toi, tu sens plus rien, ça, là, longtemps. Pas mais ton nez a tombé. J'ai des lunettes aussi, fait que ça. On vient d'entendre à l'instant de Finlande, Turmion Catalot et la pièce Mina Maharan, qui signifie « Je suis », qui est tirée du troisième album « Ouch », qui est paru le 21 mai 2008 sous étiquette Raha Records. Juste avant de Nothing Hill en Angleterre, Killing Joke, ils ne sont plus présentés, ben, du moins je l'espère, parce que c'est vraiment un groupe... pionnier. Qui n'est plus présenté. C'est ouais, c'est vraiment un groupe très donc pionnier. Donc, on ne vous présente pas. Ben, c'est ça. C'est pour que devinez qu'est-ce qu'il a joué. Exorcism, qui est tiré de Pandemonium, qui était le 9e album paru le 2 août 1994 sur Butterfly. C'est un de mes préférés. C'est un des très bons. Oui, vraiment. Moi, je te dirais que j'aime beaucoup la dernière période de Killing Joke, soit les 4 derniers albums. Ouais, je sais que t'as bien ils accroché. Ils ont vraiment des méchants de bonnes tunes. Ouais, mais c'est vrai que c'est pas vilain non plus. Ouais. Il y a une ouverture de bloc de Oxford en Angleterre, Play Dead. Tout à l'heure, je disais une formation qui a vu le jour en 84, mais en 82, mais en fait, c'est 80. 80 à 86, avec Rob Hickson, Mark Whiff Smith, Stephen Green, Ree Vaux et Pete Waddleton. Formation qui donne dans un gothique tendance industrielle. Ils ont un très bon album live, eux, qui se nomme un petit peu, que je regarde comment qu'il s'appelle déjà celui-là. Je pense que c'est Company of Justice ou quelque chose comme ça. Non, Into the Fire, voilà. Très bon album live. C'est majoritairement lourd, un peu comme ça. Moi, j'aime beaucoup. C'est ce qui faisait la première partie de ce Mechanical Surgery, puisque Sinistros nous réserve la deuxième partie. Eh bien oui, j'y étais avec un bloc un petit peu plus musclé. Ben, plus musclé que le dernier bloc que j'avais fait dans la Mechanical Surgery, ouais. Et qui m'a valu... quelques remontrances. Mais tu sais, c'est pas grave. Je sais que c'est pas grave. T'sais, à quelque part, on fait juste s'ajuster, mais on s'en fout un peu aussi. Oh, effectivement. Donc, je vais ajouter un petit peu plus de bouillon dans mon bloc. On va commencer avec une formation qui n'est plus à présenter. Ben, ça aussi, j'ose espérer. J'ose espérer, qui vient de la Suisse et en la personne de Samael, et non ouais. le démon. Mais le groupe, bien évidemment. Mais quoi qu'il doit avoir connotation, étant donné que le groupe était black metal au début. Là. Oui, il y a encore une petite trace de black metal dans le petit côté industriel, là, mais ça reste que c'est très cool. Ça sort celui de Pain. Ouais. Pain, qui le groupe... ça, c'est Peter Tadgren. Peter Tadgren. Tadgren. Oui. C'est son side project, c'est son projet solo, dans le fond, qui est très intéressant aussi. Et on aura les Allemands de Die Krups. Alors, les autres ont tergiversé entre... Ben, ils ont commencé pas mal IBM, là, ouais. Dans le style de Front 2, 4, 2, ouais, Agro, ouais. Mais ces compagnies-là. Mm-hmm. Éventuellement, ils se sont tournés vers le métal. Ils ont même engagé Lee Altus comme ouais. guitariste. Lee Altus qui joue maintenant avec Exodus. Fait qu'ils ont vraiment mixé les deux. Ils ont même fait un truc avec... les guitaristes de Fear Factory oui, récemment au début de l'année. Dick Lute. Oui. Pas tant bon. Ben, c'est du Dick Roops. C'est Dick Roops, mais avec ouais. deux chanteurs. Oui, c'est avec, ça. Avec Dino Cazares. Exactement, c'est ça, voilà. Alors, allons-y tout de suite, Samael, avec la pièce titre de Rain of Light. À réanimation. Let's go. Everywhere I look and strong. I don't wanna be nothing.

Oui, et non Suisson-Sion. Non, c'est pas Suisson-Sion. Avec la pièce Ray of Light, tirée de l'album du même nom, il est paru en 2004 sur Regain Records. Ouais, leur sixième album, très bon album d'ailleurs. Je vous parle brièvement de cinéma et surtout de séries télévisées. Je sais que tu as décroché là-dessus à ce niveau-là, mais je me suis tapé la deuxième partie de la deuxième saison de The Walking Dead. Oh, tu es chanceux. Non. Ben, pas tant que ça. Fait que c'est pour ça que j'ai décroché, moi. La première partie, les 8 premiers épisodes étaient très, très bons de cette 9e série. Par contre, les 8 derniers, ou la deuxième partie, étaient un peu... m'ont laissé possiblement sur ma fin. Et j'avoue que cette série-là ne sait plus vraiment se réinventer. Ah, ben, moi, c'est ça. Non. Et à un point tel que je t'ai probablement demandé, je suis pas en train de décrocher. Ben, moi, je vais décrocher avant. Ouais. Ouais, mais ça, t'es loin d'être mon modèle, toi. Ah non, ouais. Ouais, t'es trop bon. Puis toi, t'es trop modeste. C'est beaucoup trop gentil. Autre truc que j'ai écouté, que je croyais que t'as pourrait être bon, une production de Netflix, The Silence, un thriller fantastique avec James... Ah non, c'est pas du tout ça, James, par rapport. Un thriller fantastique à connotation horreur qui raconte la suite d'une exploration dans une grotte. Des scientifiques mettent le jour des différentes créatures ressemblant à des chauves-souris qui envahissent la Terre et tuent la population, si bien humaine qu'animale, en le repérant au bruit que les victimes produisent puisqu'elles sont aveugles. C'est pas bon. On oublie ça. D'accord. Donc, c'était pas très profitable au niveau cinéma et série la semaine dernière. Je vais voir ce que je pourrais faire d'ici mardi prochain. Présentation de la semaine, une formation qui a vu le jour... en 2015, c'est dur à croire, là... Ben, le jour, dans le fond, c'est parce qu'il était toi dans la berce à deck, là, tu sais. Ben, c'est ça. Ben, pas David Vincent. Non, David Vincent n'était pas dans sa deck, c'était Steve Tucker. Vu le jour en 2015, c'est une formation qui est dite internationale puisqu'on a des gens de Lisbonne, Portugal, Georgetown, Texas, et ainsi de suite, et même du Québec. Je parle de Ultimus avec le U. Avec romain, un V, ouais. Qui est un U romain, bien entendu, et non un V, à ne pas confondre, qui est une formation de Black and Death Metal qui met en vedette David Vincent, ex-Morbid Angel, faut-il dire, et Jenny Torturer, entre autres, Florent Mounier de Cryptopsy, ainsi que le Tribe of Pazuzu, qu'on a présenté ici il y a quelques semaines, de ex-Nader Sadek aussi, et Rune Blasphemer Rickson de Aura Noir, entre autres, une formation fort importante, ainsi que Twilight the God, enfin, un trio extraordinaire. Je dois dire Sinistros, c'est le premier album qui est paru le 29 mars dernier sur Season of Mist qui portait le titre de Something Wicked Marches In. Semble-t-il que ça nous fait oublier les derniers Morbid Angel. Eh bien, pas moi, je les trouve excellents, les derniers Morbid Angel. Oh, aussi. Je les trouve vraiment très, très bons. Mais ici, on prouve que David Vincent y a encore la voix. Je vous fais écouter à l'instant deux pièces qui sont respectivement la pièce titre Something Wicked Marches In ainsi que Diabolus S. Sanguis au thème de ta réanimation. the wicked marches there. Sands in motion, total chaos that's everywhere. Blood of devils in our veins. Blood of devils in our veins. Blood of devils in our veins. Well, 20h46, on vient d'écouter deux pièces de Ultimus, formation internationale, avec les deux extraits de leur première parution, Something Wicked Marches In, quelque chose de méchant s'en vient, avec la pièce, on vient d'entendre Diabolus S. Sanguis, et c'était précédé de la pièce titre, sous étiquette Season of Mist, un album que j'ai trouvé, ma foi, fort intéressant. Je lui ai donné une note de 8,5 sur 10. Et avis aux nostalgiques, c'est aussi disponible en cassette. Fait que, je sais que Sinistro, c'est un grand amateur de cassettes 8 pistes, mais oui. Juste des cassettes 4 tracks. Moi, j'ai ça dans mon char. Toi, c'est pas un char, toi, c'est une charrette. Ben oui, ça, je disais. Charrette. Oui. Écoute, c'est quand même respectable. J'ai un 1928, là. Bon, et c'est vrai que c'est une relique. Écoute. Oui, oui, c'est vrai, avec les pneus de bois d'origine. Oui. Oui. Tu fais attention à tes choses, toi. Oui, absolument. Oui, oui, c'est bien. Et ça doit pas être le même propulseur qu'en avant, j'imagine. C'est la même chose, c'est d'époque, mon ami. Oui, mais ce qui tirait la charrette, ça doit pas être le mais même non, cheval. C'est un moteur qu'il y a dedans, couillon, c'est 1928. Là. Un 1928. OK. Les pneus pas larges, j'ai des Dunlop là-dessus, écoute. Bon. Voilà. Le monde va croire ça, c'est ça peut bien prendre du temps, Sinistro, de descendre entre moins de ville. C'est pas parti à 8h à matin. C'est parce qu'il faut qu'il pousse. c'est ça. Fait que je te suggère fortement d'écouter Ultimus. Ça, oui, c'est ben, vraiment très bon. C'était sur ma liste d'écoute, mais j'avoue que ces dernières semaines, j'ai pas 100% de temps d'écouter de nouvelles musiques. Pas juste ces dernières semaines. Oui, dernières semaines. On dirait derniers mois. C'est ça, les dernières semaines. Oui, qui se compte en moi. Ben, les dernières semaines depuis, mettons, début janvier. C'est ça, qui se compte en moi. la semaine prochaine, nous aurons une émission. C'est la 5e émission du mois, chose qui est rare. Ouais. C'est une émission qui va être dite régulière. Ouais, gratuite. Donc, il n'y aura pas vraiment de choses farfelues. Il n'y aura pas de segment. Non. Aussi, ce vendredi, pour les vrais amateurs de vrai rock, ne manquez pas l'émission de Rock Classique avec notre ami... Rockmaster Alain Lefebvre, ainsi que cette semaine, c'est le vendredi de Subversion avec DJ Tower of Death, que vous pouvez avoir sur SoundCloud, et ici, en rediff, les vendredis, tout de suite après réanimation, quand je dis ici, c'est à CIFO 89.1 FM, bien sûr, c'est FOU.ca. Sinistro, c'est toi qui incombe de terminer l'émission. Eh bien oui, je reviens avec mon histoire de premier bloc. Mais pourquoi Sinistro, mets-tu pas de Metalcore? Hey, j'ai dit, je suis en train de raconter des menteries. Parce... On est juste le 23, la semaine prochaine, on n'est pas le 30. C'est ouais. Les albums marquants. Les albums marquants, c'est un menteur. Ben oui, les albums marquants, c'est Satan, Court in the Act, et puis Judas Priest, Defenders of the Faith. Ah, c'est ça qu'on avait décidé? Ben, c'est ce que tu m'as envoyé, ah, d'accord. Toi, en tout cas. OK. Yeah, ma émission la semaine prochaine est faite. Ben oui. Alors, pourquoi ne mets-tu pas de metalcore? Parce que le metalcore d'aujourd'hui, il est plate. C'est une excellente raison. Bon, mais par contre, je peux très bien mettre du metalcore d'origine. C'est-à-dire vers la fin des années 90, début 2000. Tu sais, Sinistro, tu peux faire ce que tu veux ici, mais c'est pas vrai. Bon. On va y aller avec une formation qui s'appelle Burn the Priest. Ah, ben regarde donc ça, dont j'ai appris à l'instant que c'était Lamb of God. Ben oui, Burn the Priest qui a changé de nom après le premier album parce qu'il trouvait que c'était peut-être un petit peu trop élevé comme nom. Il doit y avoir quelques compagnies qui hésitaient à les signer. Ben non, je pense que c'est plus eux autres qui ont décidé. C'est plus eux autres qui ont décidé qu'ils trouvaient ça peut-être un petit peu trop élevé. C'est sûr que Burn the Priest, ça fesse, là. Alors, c'est l'album qui vient avant New American Gospel qui nous avait fait connaître Lamb of God en 2000. On va entendre la pièce Bloodletting. C'est paru en 1999 sur les... Bloodletting. Bloodletting, c'est ça. Bloodletting. Bloodletting. Bloodletting. C'est ça. On aura aussi God Forbid du New Jersey qui donne dans un style un petit peu à la In Flames, un petit peu In Flames, un petit peu At the Gates. Dont le 80% du groupe, c'est des Noirs. C'est vraiment cool. Formation du New Jersey, certes, avec la pièce Better Days, c'est paru sur le deuxième album Gone Forever en 2004 sur Century Media. Et si on a le temps, bon, on va ressortir des boules à mythe, un band qui a eu un seul album, puis sont allés fonder Cana par après. 40 Days Rain du Massachusetts avec un espèce de hardcore très heavy. Je connais pas. Assez bruyant, assez capoté aussi. Avec une pièce qui s'appelle Blind Injustice, c'est paru sur le seul et unique album Temptation of Our Own Demise et c'est paru en 98 sur East Coast Records. Alors, sur ce. Allez, t'en vous faire foutre. Bien sûr. See you. my heart.